Ok, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui donc le cours numéro 8 dans l'explication de Riyad al-Salihin. Et c'est donc toujours dans le premier chapitre à propos de al-ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. Naam. Donc, qu'est-ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre vous, si vous n'avez pas ce livre, essayez de vous le procurer et je vous conseille franchement de l'acheter ce livre. Parce que le livre Riyad al-Salihin, en français, il le traduit souvent comme les jardins vertueux ou les jardins des vertueux. C'est un des livres vraiment intéressants, bénéfiques. Il rapporte des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans différents sujets comme la sincérité, le fait d'être véridique. Le fait d'être patient, le fait d'avoir la foi. Après, il y a des hadiths aussi sur les différents sujets qui ont rapport avec les mérites du jeûne, les mérites de la salat, les mérites de la zakat, les mérites du hajj, et ainsi de suite. Et à la fin, c'est les interdictions et tout ce qui a été rapporté, des différentes choses qui sont interdites en islam. Et disons que c'est un livre qui ramène des hadiths parmi les plus importants dans différents domaines. Donc, si quelqu'un, il a, par exemple, étudié les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, al-Arba'un al-Nawawiya, donc ça, c'est un livre d'introduction pour tout musulman, pour connaître les hadiths les plus importants dans l'islam. Et ensuite, yani, c'est sûr que si tu veux apprendre des questions par rapport au fiqh, Umdatul Ahkam, ça, c'est un autre livre aussi important. Et plus tard, par la suite, Bulugh al-Maram. Ça aussi, c'est un bon livre d'introduction par rapport aux règles du fiqh. Mais si tu veux un livre aussi qui est plus général et qui touche à des sujets plus vastes et plus général aussi, donc le livre Riyad al-Salihin, ça, c'est un livre vraiment important. Et comme je disais, il y a des hadiths dedans qui sont peut-être pas authentiques, mais Cheikh Al-Albani, il a fait le tahrij de ces hadiths-là, et à la fin, il n'y en a vraiment pas beaucoup de hadiths comme ça qui ne sont pas authentiques dedans. Donc, tu peux profiter de ce livre-là, puis en bénéficier beaucoup. Il y a des traductions en français qui sont excellentes, et ça peut être une aide pour quelqu'un au début lorsqu'il n'a pas encore appris l'arabe. Et si quelqu'un a commencé à apprendre l'arabe, il va mémoriser les hadiths qui sont en arabe dedans. Et il va lire l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen ou d'autres ulama qui ont fait l'explication de ces hadiths-là. Ça va lui donner de bonnes bases pour comprendre beaucoup de sujets dans la religion. Donc, on va continuer. Donc, on va tout de suite commencer. On était rendu à un point dans le hadith où le Cheikh il mentionnait certains bienfaits du hadith qu'on était en train d'expliquer. Et étant donné que ça fait à peu près deux cours qu'on a commencé ce hadith-là, peut-être que certains d'entre nous, on se souvient peut-être pas du hadith lui-même qu'on était en train d'expliquer à la base. Donc, juste pour rafraîchir la mémoire aux gens, c'est le hadith numéro 7 dans Riyad al-Salihin et c'est le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Mecca après la conquête de la Mecque. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, il était malade. Et il craignait à ce moment-là qu'il allait mourir. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le visiter. Et au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le visiter, Sa'd ibn Abi Waqqas, il lui a parlé justement de son héritage. Parce étant donné qu'il pensait qu'il allait mourir, il a dit, moi j'ai seulement une fille. Hein? Et donc, étant donné que j'ai beaucoup de richesses et j'ai beaucoup de biens, j'aimerais bien pouvoir en donner de cette richesse-là à d'autres. Puisque j'ai seulement une petite fille, je pourrais en donner deux tiers aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Après, il a baissé. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, jusqu'à ce qu'il dise le tiers. Est-ce que je peux donner le tiers de ce que je possède? à d'autres personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu peux donner le tiers, mais le tiers c'est beaucoup. Et il lui a expliqué que c'était préférable de laisser ses héritiers dans la richesse plutôt que de les laisser pauvres et étant obligé de tendre la main aux gens pour leur demander quelque chose. Donc ça, c'est pas correct. Puis ensuite, pardon. Ensuite, il lui a dit, ensuite, il y a eu une discussion et un échange par rapport à la hijra. Donc ça, on va y revenir de toute façon. Le point où on est arrivé maintenant, c'est là où le cheikh il mentionne certains points bénéfiques dans la visite des malades. Donc on a parlé de la visite des malades et des règles qui ont rapport avec la visite des malades. Et maintenant, le cheikh il parle par la suite, il parle de d'autres règles qu'on peut tirer de ce hadith-là, de ce hadith. Et parmi ces règles, il dit ولهذا نعم والإنسان بلا شك ينبغي له أن يكمل نفسه أو يكمل نفسه من ادعاء الكمال لنفسه فهو الناقص. الإنسان بلا شك لا ينبغي له أن يكمل نفسه ومن ادعى الكمال لنفسه فهو الناقص. نعم دونك il dit بل لا بد أن يراجع خصوصا في الأمور الهامة التي تتعلق بمسائل الأمة فإن الإنسان قد يحمله الحماس والعاطفة على فعل شيء وهو في نفسه حق ولا بأس به ولكن التحدث عنه قد يكون غير طيب إما في الزمان أو في المكان أو في الحال. Donc ici le cheikh il explique que Saad ibn Abi Waqqas, il a demandé conseil au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à son héritage. Et le cheikh il dit qu'il y a dans ça la preuve que dans l'islam, il faut toujours demander conseil aux autres. Et il expliquait, comme on disait au dernier cours à la fin, que chacun, il demande son opinion aux gens qui ont la connaissance dans son domaine, chacun selon son domaine. Si c'est des questions de religion, qu'on a besoin de connaître la réalité sur quelque chose qui a rapport avec la religion, alors on demande aux gens de science, aux ulama, aux savants de l'islam. Si on a besoin de quelque chose, de connaître quelque chose par rapport à l'immobilier, on va demander à des spécialistes. Si on a besoin de quelque chose, de connaître quelque chose par rapport à la mécanique, eh bien on va demander à un mécanicien, et ainsi de suite. Donc, on a toujours besoin de demander le conseil à quelqu'un qui est spécialiste ou qui connaît bien son domaine pour avoir une réponse éclairée et pour bien s'orienter dans qu'est-ce qu'on fait. Et le dicton que les gens disent souvent en arabe, ma khaba man istakhar wa la nadima man istashar. C'est-à-dire celui qui fait l'istikhara quand il a un dilemme, il demande à Allah de l'aider dans son choix, il ne va jamais être déçu. Hein? Et il ne va jamais être perdant. Et celui qui demande conseil, il ne va jamais regretter, en général, parce qu'il va savoir où est-ce qu'il s'en va. Et donc, quelqu'un ne doit pas se penser parfait lui-même, ou prétendre connaître, ou savoir tout. Plutôt, il devrait savoir qu'il a des limites en lui-même. Celui qui se pense complet ou parfait, eh bien, c'est lui en réalité qui est incorrect ou incomplet. Et donc, il faut revenir aux gens qui ont des connaissances dans les différentes questions, surtout les sujets qui sont des questions générales, qui touchent à la Ummah de façon générale, et ne pas se laisser aller par les émotions et les sentiments, à vouloir, par exemple, rentrer dans des sujets ou parler de certaines choses qui sont des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, mais sauf que elles ne conviennent pas par rapport au moment, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon moment pour en parler, ou ce n'est pas le bon endroit pour en parler, ou ce n'est pas la bonne situation pour en parler. Parce qu'il y a des gens, parfois, et surtout ça arrive, on le voit chez les jeunes qui ont beaucoup de motivation, et qui sont parfois un peu trop excités même dans certaines questions. Et eux, ils veulent parler de certains sujets et ils veulent dire certaines choses et ils pensent que c'est toujours... il faut toujours dire toutes les questions et parler de toutes les choses, n'importe quel moment, n'importe où et n'importe quelle situation. Et ça c'est pas la sagesse. Et ça, c'est incorrect. Parce que les conséquences de ça, ça peut ramener plus de mal que de bien. Donc, il faut être posé et prendre son temps de bien réfléchir et d'analyser la situation, de voir est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est la bonne place de parler pour parler de ça, est-ce que c'est la bonne situation pour que j'en parle. Et si tu vois que c'est le cas, alors tu parles. Si ce n'est pas le cas et tu vois que qu'est-ce que tu vas dire, ça risque d'augmenter le mal ou ça risque d'avoir des répercussions ou des conséquences plus grandes et plus mauvaises que le mal qui existe déjà, alors dans ce cas-là, tu dois t'abstenir de parler de ce genre de choses. Et le cheikh, il a mentionné des hadiths qui confirment et des versets qui confirment cette règle dans la charia. Parce que ça, c'est une grande règle parmi les principes de la charia de l'islam. Et c'est de dire que dar al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih. C'est-à-dire de repousser quelque chose qui est un méfait, repousser un méfait à précédence sur le fait de ramener un bienfait. Et que si toi, tu penses qu'en faisant un bien, ça va ramener un plus grand mal, alors dans ce cas-là, laisse tomber ce bien pour éviter le plus grand mal. Non, ça, ce n'est pas un hadith. C'est une règle dans la charia. Ça, c'est ce qu'on appelle des qawa'id. Qawa'id, c'est le pluriel de qa'ida, qui veut dire un principe, une règle. Et quand on dit de quelque chose en islam que c'est un principe ou une règle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est tiré du Coran et de la Sunna et qu'il y a beaucoup de versets et beaucoup de hadiths qui le confirment. Tellement qu'il y en a que c'est devenu une règle. Tu comprends? Donc, des fois, il peut y avoir un sujet, tu vas trouver par exemple qu'il y a un verset qui parle de ça seulement ou un hadith qui parle de quelque chose. Donc ça, tu vas dire, bon, ça c'est la preuve par rapport à ce sujet-là. Mais quand il y a une question et que tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ce même sujet-là ou ce même principe, il le mentionne dans une vingtaine, une trentaine de versets et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a répété dans une cinquantaine de hadiths ou une centaine de hadiths, alors à ce moment-là, cette règle-là, ça ne devient pas juste une simple interdiction ou ordre ou des choses de ça, ça devient un principe, comme une règle dans la charia. Et c'est ça ce que les ulama ont réuni et ils ont rassemblé ça dans des livres. Et ça s'appelle les livres, soit ils appellent ça al-qawa'id, hein, ou bien al-qawa'id al-usuliyya, ou bien al-qawa'id al-fiqhiyya. Donc il y a différentes catégories de règles aussi. Et ces règles-là, elles existent dans la charia pour faciliter aux ulama de connaître certains jugements par rapport à certaines choses. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut connaître toutes les preuves de la charia. Parce que les preuves de la charia sont extrêmement nombreuses. Il y a un grand nombre de versets dans le Coran. Peut-être quelqu'un il en connaît quelques-uns, mais il ne connaît pas tous. Et aussi, peut-être qu'il ne connaît pas tous les hadiths, parce que les hadiths, il y en a des milliers. Mais s'il connaît la règle, même s'il ne connaît pas la preuve, il va savoir le jugement par rapport à quelque chose, parce qu'il connaît la règle, et il est capable de ramener la règle à la situation pour en tirer un jugement. C'est ça qui est bien avec la connaissance de ces règles-là. C'est que même si quelqu'un ne connaît pas toutes les preuves de la charia, il est capable de connaître les jugements sur certains sujets juste en connaissant la règle. D'accord? Et c'est ça ici, parmi ces règles-là, il y a cette règle qu'on va mentionner. Et le cheikh, il va mentionner certaines des preuves qui sont mentionnées dans la charia pour supporter cette règle. D'accord? Et donc, il dit ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة. فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، دونك من أجل أن يتمكن الناس من دخول بيت الله عز وجل. ولكن ترك ذلك أو ترك ذلك خوف الفتنة مع كونه مصلحة. Donc ici le cheikh il donne premier exemple, et ça on l'avait mentionné au dernier cours, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en se basant sur ces règles-là, quand vous savez que premièrement la Kaaba telle qu'elle est maintenant, elle n'a pas été bâtie maintenant, ou bien elle est même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était pas bâtie selon les fondations d'Abraham. Parce que dans la fondation d'Abraham de la Kaaba, le mur qui est circulaire, il faisait partie de la construction elle-même. C'est-à-dire que la Kaaba, à la base, elle n'était pas de forme carrée, mais elle était de forme... une de ses parties était de forme circulaire. D'accord? C'est le derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez la Kaaba, vous voyez qu'il y a le carré ou le cube, puis il y a un petit rond en arrière, hein, qui est séparé. Eh bien, ce rond-là, il fait partie des fondations de la Kaaba. Et à l'époque, quand Ibrahim l'a construit avec son fils Ismaïl, eh bien, ça faisait partie du mur de la Kaaba. Donc, tout ça, c'était une construction. Mais les Arabes de Quraysh, ils l'ont reconstruit selon cette forme qu'on connaît aujourd'hui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à la Mecque, il a conquis la Mecque, il a dit à sa femme Aïcha, radiyallahu anha, si ce n'était que ton peuple est nouveau, hein, dans l'islam et qu'il vienne de quitter la mécréance, j'aurais construit la Kaaba selon les fondements d'Abraham. J'aurais mis deux portes. Une porte de laquelle les gens peuvent entrer et l'autre de laquelle ils peuvent sortir. Et ça, c'est un hadith rapporté par Muslim. Où est-ce qu'on voit cette règle du fait qu'il faut donner précédence au bien, ou plutôt il faut donner précédence à repousser un mal plutôt que de chercher à établir un bien, si on sait que ce bien-là risque de créer un plus grand mal? Eh bien, dans ce hadith-là, on peut comprendre cette règle dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé tomber l'idée de reconstruire la Kaaba selon les fondements d'Abraham pour éviter que ça soit une cause de fitna et de trouble parmi les Arabes de Quraysh qui venaient juste d'accepter l'islam. Alors, il l'a laissé tel quel. Il l'a laissé tel quel pour éviter un plus grand mal. Et c'est quoi ce plus grand mal? Que les Arabes de Quraysh qui viennent d'accepter l'islam utilisent ou trouvent dans cette chose-là un prétexte ou une excuse pour retourner à la mécréance et créer des troubles. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait plus loin que le bienfait immédiat. Il regardait les conséquences de ce qu'il fait et les choses que ça peut avoir, cette conséquence-là, sur les gens. On a donné cet exemple-là, puis on avait donné aussi l'exemple au sujet, par exemple, des hypocrites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Abdullah ibn Saloul, qui était la tête des hypocrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahabas ont dit: ô messager d'Allah, est-ce que tu veux qu'on lui coupe sa tête? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: non, parce que je ne veux pas que les gens disent que le prophète tue ses propres compagnons. Donc il dit, les ulama ont dit, ça c'est la preuve que pour éviter un plus grand mal, on laisse tomber un bien. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Le cheikh, il dit donc, pour permettre aux gens donc de pouvoir rentrer dans la maison d'Allah, de faire une porte pour rentrer, une porte pour sortir, et de la reconstruire selon la fondation d'Abraham, ça, c'est un bien. Mais il a laissé ce bien-là par crainte d'une fitna ou d'un trouble, alors qu'il y a un bienfait dedans. Un autre exemple, il dit, Bal a'zamu min dhalik, anna Allah naha an nasub alihat al-mushrikin, ma'a anna alihat al-mushrikin jadiratun an tusab wa tu'ab wa yunaffar minha, walakin lamma kana sabbaha yuaddi ila sabbi Allah, sabbi Rabb al-Azim, المنزه عن كل غيب عن كل عيب ونقص قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فالمهم أنه ينبغي أن نعلم أن الشيء قد يكون حسنا في حد ذاته وفي موضوعه ولكن لا يكون حسنا ولا يكون من الحكمة ولا من العقل ولا من النصح ولا من الأمانة أن يذكر في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن أو في حال من الأحوال وإن كان هو في نفسه حقا وصدقا وحقيقة واقعة ومن ثم كان ينبغي للإنسان أن يستشير ذوي العلم والرأي والنصح في الأمر قبل أن يقدم عليه حتى يكون لديه برهان لأن الله قال لأشرف خلقه عليه الصلاة والسلام وأسدهم رأيا وأبلغهم نصحا محمد صلى الله عليه وسلم قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الناس رأيا وأرجحهم عقلا وأبلغهم نصحا. Donc ici le cheikh il explique un autre exemple et il dit et le cours qu'on ce sujet là on en a parlé aussi dans le livre de cheikh Ubaid qui explique le livre de Ibn Taymiyyah sur l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Il parlait de ça, on parlait de ça au dernier cours, c'est la même règle. Donc ici, il mentionne une autre preuve. Il dit ici que, même plus grave que ça encore, et plus grand encore comme sujet, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous a interdit d'insulter les divinités des mushrikines et des idolâtres. Alors qu'en réalité, d'insulter leurs idoles, c'est quelque chose qui est obligatoire, hein, d'insulter leurs idoles et de les blâmer, et de mentionner des choses qui vont faire fuir les gens de ces idoles-là, et de les insulter, c'est quelque chose qui est ordonné et exigé par l'islam. Sauf que, si tu vois que, en les insultant, ça va amener les mouchriquins à insulter Allah en retour, exactement. Alors, dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que, on ne doit pas les insulter si on sait que ça va les amener à insulter Allah. Et il mentionne le verset qui parle de ça dans le Coran, c'est le verset 108 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et n'insultez pas ceux qui invoquent d'autres avec Allah ou d'autres en dehors d'Allah, parce que eux vont insulter Allah injustement et sans science, c'est-à-dire par ignorance. De même, ainsi nous avons enjolivé à beaucoup de nations leurs œuvres, et ensuite leur retour sera à leur Seigneur, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils œuvraient. » Donc l'important ici, c'est de comprendre que on doit savoir que quelque chose peut être bon en soi, et que ça peut être quelque chose qui nous semble bien de faire, sauf que en réalité, c'est pas réellement bien. Pourquoi? Parce que ça risque d'amener plus de mal. Donc toi tu dis, ah moi je vais insulter les idoles. Je vais insulter les idoles des mouchriquines et des koufars. Tu penses que tu fais quelque chose de bien. Et là, tu vas dire, ah, je vais défendre l'islam, je vais insulter leurs idoles et je vais montrer la force de l'islam. Et là, tu commences à les insulter et eux, ils te répondent en insultant Allah. Donc, est-ce que tu as fait un bien? Tu penses que tu as fait un bien, tu as fait un mal parce que tu as ouvert la porte pour ces gens-là à commencer à insulter Allah qui est le vrai créateur, le maître et le tout-puissant. Donc, tu as fait une injustice. C'est comme celui qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas vos parents. Et quelqu'un a posé la question, ô messager d'Allah, comment quelqu'un d'entre nous va insulter ses parents? Il a dit, parce que tu insultes la mère de quelqu'un, donc lui va insulter ta mère. C'est comme si en réalité, tu as été la cause hein, du fait que quelqu'un a insulté ta mère. C'est comme si tu l'avais insulté toi-même parce que tu as insulté sa mère. Hein? Donc ça, c'est la même chose. Si tu insultes leurs idoles, malgré que leurs idoles, elles méritent d'être insultées, mais eux, injustement, ils vont se permettre d'insulter Allah. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, tu t'abstiens de faire ça pour éviter un plus grand mal. Et donc, il dit, peut-être que quelque chose peut te sembler bien, mais ce n'est pas bien. Et ça ne fait pas partie de la sagesse, ni de la raison, ni du bon conseil, et ni de l'honnêteté, et de la responsabilité, de mentionner certaines choses dans certains moments, ou dans certains lieux, parmi les lieux, ou dans certaines situations, parmi les situations. Donc, même si tu vois que toi, tu as raison, et qu'est-ce que tu dis, c'est vrai, hein, et que c'est une réalité, eh bien, il dit, il faut que tu demandes conseil aux hommes de science, que tu demandes conseil aux gens qui ont une opinion qui est droite, et qui connaissent les choses, et qui sont spécialistes dans leur domaine, pour demander conseil à ces gens-là avant de juste avant de rentrer, avant de t'embarquer dans ce genre de choses. Donc, si tu as un sujet dans lequel tu n'es pas certain ou tu vois que ça risque de causer des problèmes, demande aux ulama, demande aux chiour, aux ulama, aux hommes de science. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils disent, moi, j'appelle à un bien ou je fais un bien. Et dans ces situations-là, peut-être que ton jugement, il est limité à cause de ton manque de connaissances, à cause de ton manque d'expérience, hein, à cause de ton manque de sagesse. Alors, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? Avant de le faire, demande, pose la question aux chouyours, aux ulama, aux gens qui ont de la science, aux toulab al-ilm. Demande-leur la question, est-ce que c'est bien de faire ça avant de le faire? Et en faisant ça, ça va t'éviter justement de tomber dans des problèmes ou d'avoir des ennuis ou de faire des choses qui te semblent bien, mais qui en réalité ne sont pas, hein, ne sont pas bien. Et comme le cheikh Obeid l'a expliqué, c'est que le bienfait, il doit être déterminé par la charia. On ne détermine pas le bienfait par rapport aux principes ou aux idées que les gens ont par rapport à la dunya. D'accord? Parce que, par exemple, pour un croyant, il va y avoir un bienfait dans certaines choses, tandis que pour le kafir, il ne va pas voir ce bienfait-là parce que lui, il ne croit pas en Allah, il ne croit pas en l'au-delà. Et il va juger le bienfait uniquement d'un point de vue matérialiste. Et il y a parmi les gens de Bid'a et parmi les Hizbiyyin, quand ils parlent du bienfait de la da'wa, ils jugent le bienfait de la da'wa uniquement selon des point de vue matérialiste, hein? Et ils ne tiennent pas compte de la charia et ils ne réalisent pas que la charia, c'est notre repère, c'est notre référence pour déterminer ce qui est un bien ou ce qui n'en est pas un. Et non pas l'intérêt matérialiste. Des fois, tu vois qu'ils vont permettre de dire des choses qui sont fausses ou de mentir à propos de l'islam et ils disent ça, c'est pour protéger l'islam ou c'est pour un bienfait, hein? Ou bien il dit ça, c'est pour éviter un mal. Comment, depuis quand, dans l'islam, on a le droit de mentir pour amener un bien? Ou de mentir pour repousser un mal? Et de mentir au sujet d'Allah et de sa religion? Ça, c'est inacceptable. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas mélanger les choses. Si tu veux savoir si quelque chose est un bienfait ou si ça ne ramène pas un plus grand mal, eh bien, retourne au ulama de la sunna, au ulama de l'ahl-sunna. Et c'est eux qui vont t'aider à justement distinguer entre ces choses-là et à connaître la vérité sur ces points-là. Le cheikh, il dit ensuite, il dit, « Al-insan, rubbama ta'khuduhu al-atifa. » فيندفع ويقول هذا لله وأنا سأفعله وسأصدع بالحق سأقول وسوف تأخذني في الله فسوف لا تأخذني في الله لومة لائم وما أشبه ذلك من الكلام ثم تكون العاقبة وخيمة ثم إن الغالب أن الذي يحكم العاطفة ويتبع العاطفة ولا ينظر للعواقب ولا للنتائج ولا يقارن بين الأمور الغالب أنه يحصل على يديه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل مع أن نيته طيبة وقصده حسن ولكن لم يحسن أن يتصرف لأن هناك فرقا بين حسن النية وحسن التصرف وقد يكون الإنسان حسن النية ولكنه سيء التصرف وقد يكون سيء النية والغالب أن سيء النية سيء التصرف ولكن مع ذلك قد يحسن التصرف لينال غرضه السيء فالإنسان يحمد على حسن نيته ولكن قد لا يحمد على سوء فعله إلا أنه إذا علم منه أنه معروف بالنصح والإرشاد فإنه يعذر بسوء تصرفه ويلتمس له العذر ولا ينبغي أيضا أن يتخذ من فعله هذا الذي لم يكن موافقا للحكمة بل لا يجوز أن يتخذ منه قدح في هذا المتصرف وأن يحمل ما لا يتحمله ولكن يعذر ويبين له وينصح ويرشد ويقال يا أخي هذا كلامك أو فعلك حسن طيب وصواب في نفسه ولكنه غير صواب في محله أو في زمانه أو في مكانه. Donc ici, le cheikh, il nous apprend des règles vraiment importantes. Hein? Il dit par exemple, quelqu'un pourrait être pris par les sentiments et les émotions. Et donc, ça peut l'amener à dire des choses. Et il dit, par exemple, moi, je vais dire ça. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il va parler d'Allah, il va dire, moi, je vais dire la vérité, je vais défendre la vérité, je ne vais pas avoir peur de personne. Et je ne vais pas craindre le blâme de quiconque, ou des choses comme ça, pour dire qu'il n'a pas peur des conséquences. Il n'a pas peur des conséquences ou de qu'est-ce qui va lui arriver. Et le cheikh, il dit, c'est ce genre de parole, peut-être que ça risque d'avoir pour lui des conséquences très mauvaises et difficiles. Et donc, il dit qu'en général, si tu vois que la personne qui juge selon ses sentiments et ses émotions, elle parle en suivant ses émotions, ça veut dire qu'elle ne regarde pas les conséquences et les résultats de qu'est-ce qu'elle fait. Et elle ne fait pas de liaison ou de lien entre les choses qui, en général, risque de ramener des méfaits ou des choses mauvaises. Donc, le cheikh, il dit, si tu vois que qu'est-ce que tu vas faire, ça risque d'amener des méfaits que seul Allah connaît, alors que tu as une bonne intention et que ton intention, elle est bonne, il dit, c'est pas suffisant d'avoir seulement une bonne intention. Parce que, il dit, il y a une différence entre la personne qui a une bonne intention et la personne qui agit bien, et la personne qui a une bonne intention, mais qui agit mal. Des fois, tu vois quelqu'un, il a une bonne intention, mais il fait le mal. Donc, pourquoi il fait le mal? Soit parce qu'il est ignorant, ou soit parce qu'il juge selon ses émotions. Ou bien des fois, il ne fait pas nécessairement quelque chose qui est mal en soi, mais dans le contexte, ou dans le moment, où dans l'endroit où il est, ça c'est pas la bonne chose à faire. Hein? Il y a des gens qui savent pas juger dans ces questions-là. Donc, ça, c'est très important. Et comme, par exemple, il y a des gens qui font la da'wa. Et on a vu même dans l'exemple des prophètes que Allah a envoyé, que certains d'entre les messagers, ils ont subi beaucoup de persécutions quand ils ont fait la da'wa. D'accord? Donc, est-ce qu'on va dire, par exemple, qu'il ne fallait pas qu'ils fassent la da'wa, ou il ne fallait pas qu'ils appellent à Allah, ou que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit aux gens, dites la ilaha illallah et vous allez avoir le succès, il ne fallait pas qu'ils disent ça? Non. Ça fait partie des obligations et des devoirs du croyant, d'appeler les gens à Allah et de faire la da'wa. Et si tu appelles à Allah et que tu respectes les principes et les règles de la charia, et qu'il t'arrive malgré tout une épreuve ou une difficulté, eh bien tu dois faire preuve de patience. Parce que ça fait partie des tests et des épreuves que Allah donne à ceux qui appellent à la vérité. Toutefois, si tu agis d'une manière qui est irréfléchie et que tu ne respectes pas la sagesse, tu fais des choses qui sont contraires à l'islam, au nom de l'islam, et que à cause de ça, tu vas avoir des ennuis, eh bien là c'est autre chose. Là, tu as été la cause, hein, dans ce qui t'est arrivé parce que tu as dépassé les limites de qu'est-ce que Allah t'a ordonné. Et tu as fait des choses qui créent, hein, de la fitna ou bien du trouble. Puis après ça, quand tu as eu des ennuis, tu prétends que c'est à cause de la religion. Alors qu'en réalité, c'est pas en suivant la religion que tu as eu ces ennuis-là, mais plutôt en suivant tes passions. Et donc souvent, il y a des gens qui veulent jouer avec ça. Comme par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans certains pays musulmans lorsque certains groupes islamistes ont fait des actes ou des gestes qui sont contraires à l'islam au nom de, soi-disant, de vouloir rétablir l'islam ou la charia. Et à cause de ça, on les a écrasés, on les a punis, on les a frappés. Et eux, ils disent par la suite, « Ah, c'est parce qu'on a appelé à l'islam ou parce qu'on a fait on a voulu établir la charia. » Mais la façon dont ils ont voulu établir la charia est contraire à la charia. Et ça, c'est ce qui fait qu'ils ont contredit la voix des prophètes. Hein? Et à cause de ça, donc, ils ont eu des ennuis et on les a empêchés par la suite. Donc, eux, ils disent, hein, tout ce qu'on a subi, c'était à cause d'Allah ou bien par la foi en Allah. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Hein? Ils ont déformé la réalité. Donc, il faut savoir justement comment juger, comment tracer la ligne, pour éviter justement de tomber dans l'erreur. Peut-être que quelqu'un, comme le cheikh, il dit, peut-être que quelqu'un peut être remercié ou glorifié pour la bonne intention qu'il a eue. Mais, c'est possible qu'on ne va pas le glorifier ou dire du bien de lui pour les choses qu'il a fait. Parce que son intention était bonne, mais ses actions n'étaient pas bonnes. D'accord? Excepté si on sait qu'une personne en question était une personne connue comme étant une personne qui donne du bon conseil aux gens et qui oriente les gens dans le bien. Si c'était ça son habitude, et c'est la personne, elle fait toujours ça. Elle oriente les gens vers le bien et elle a de la sagesse et elle se comporte bien. Mais qu'il lui arrive une fois de vouloir faire quelque chose de bien, mais de mal se comporter. Eh bien, il dit dans ce cas-là, il faut trouver des excuses pour cette personne. Et il ne faut pas il ne faut pas utiliser ça contre cette personne, même si ce qu'elle a fait n'était pas en accord avec la sagesse. On n'a pas le droit d'utiliser ça comme une raison pour rabaisser la personne ou bien attaquer la personne et de lui faire porter ce qu'elle n'a pas voulu faire. Mais plutôt, il faut dans ce cas-là lui donner une excuse et lui donner le bon conseil. Et l'orienter vers qu'est-ce qui est mieux, en lui disant par exemple, « Oh mon frère, ta parole ou ton action ici, elle est bonne en elle-même, mais elle n'est pas à sa place, ou elle n'est pas au bon moment, ou elle n'est pas dans la bonne situation, ou dans le bon moment. » D'accord? Ça, c'est lorsque tu connais une personne qui est à la base sur la sunna et qui fait les choses correctement, mais qui, par exemple, un moment d'émotion, elle a suivi ses émotions, elle a fait quelque chose de déplacé. Tu vas pas utiliser ça comme un prétexte pour rabaisser complètement la personne ou l'éliminer complètement ou dire que comme s'il a traité comme si elle a jamais fait rien de bon, mais plutôt tu vas lui donner la nasiha et tu vas lui mentionner et lui clarifier les choses. Le cheikh il dit ensuite wal muhim anna fi hadith Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu isharatun annahu yanbaghi للإنسان أن يستشير من هو أكمل منه رأيا وأكثر منه علما. Donc il dit de façon générale, l'important dans ce hadith ici, c'est qu'il y a une indication qui nous montre que la personne, elle doit demander conseil à ceux qui ont une meilleure opinion que eux et une meilleure connaissance. Donc c'est bon de te référer aux hommes de science et aux savants de l'islam qui sont plus âgés que toi, qui ont plus de science que toi. Ils ont eu des expériences et ils ont donc plus de compréhension que toi et ils vont t'orienter vers la meilleure façon de te comporter et vers la façon de gérer certaines situations ou certains problèmes et éviter justement que tu agisses d'une manière qui est déplacée. Après, le cheikh il dit « وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسْتَشِيرِ أَنْ يَذْكُرَ الْأَمْرِ على ما هو عليه حقيقة لا يلوذ يمينا وشمالا بل يذكر الأمر حقا على ما هو عليه حتى يتبين للمستشار حقيقة الأمر ويبني مشورته على هذه الحقيقة ولهذا قال سعد إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه إلا ابنة أو إلا ابنة فقوله إني ذو مال بيان لسبب العطية التي يريد أن يعطيها ولا يرثني إلا ابنة لي يعني بيان للانتفاء المانع يعني لا مانع أن أوصي كثيرا لانتفاء الوارث والمستشار عليه أن يتقي الله عز وجل فيما أشار فيه وأن لا تأخذه العاطفة في مراعاة في مراعاة المستشير لأن بعض الناس إذا استشاره الشخص ورأى أنه يميل إلى أحد الأمرين أو الرأيين ذهب يشير عليه به ويقول أنا أحب أن أوافق الذي يرى أنه يناسبه وهذا خطأ عظيم بل خيانة الواجب إذا استشارك أن تقول له ما ترى أنه حق وأنه نافع سواء أرضاه أم لم يرضه وأنت إذا فعلت هذا كنت ناصحا وأديت ما عليك ثم إن أخذ به ورأى أنه صواب فذاك وإن لم يأخذ به فقد برئت ذمتك. نعم. Donc ici le cheikh il explique un point encore, un sujet très très important, et c'est une règle aussi dans la religion. Il dit que parmi les choses qu'on peut tirer de ce hadith là, c'est que la personne qui demande conseil, elle doit décrire sa situation de la manière réelle. C'est-à-dire que lorsque tu demandes conseil à quelqu'un à propos de quelque chose, eh bien tu dois lui décrire la réalité des choses. Tu ne dois pas commencer à tourner à gauche et à droite pour lui déformer la situation ou pour ne pas lui présenter la situation de la façon dans laquelle elle est réellement. Parce que des fois, il y a des gens comme ça, quand ils veulent poser une question ou avoir un conseil, ils veulent avoir une réponse qui va aller dans un certain sens. Alors, au lieu de donner ou de décrire la situation telle qu'elle est, ils vont commencer à changer certains détails et déformer certaines réalités pour orienter la question d'une façon que la personne va lui donner une réponse qui va aller dans le sens que lui, il veut. Et le cheikh, il dit, ça, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que le conseil qu'on va te donner va correspondre à la description ou à qu'est-ce que tu as mentionné dans le conseil que tu as demandé. Et donc, c'est pour ça que on voit que Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le conseil, il a dit j'ai de l'argent et j'ai personne qui va mériter excepté une fille. Alors il dit donc dans la parole lorsqu'il dit j'ai de l'argent, c'est pour expliquer la cause pour laquelle il veut donner ce qu'il veut donner. Et quand il dit, et personne ne va mériter ou hériter de moi, excepté une fille que j'ai, ça c'est pour expliquer qu'est-ce qui est l'empêchement ou bien l'absence d'empêchement. Le fait qu'il n'y a rien qui empêche, qui l'empêche de donner hein, cette quantité d'argent à d'autres personnes. Alors, le cheikh, il dit, c'est ça, il dit, il n'y a rien qui empêche que je donne dans mon testament à d'autres personnes qu'à mes héritiers, puisque je n'ai pas d'autres héritiers qu'elle. Et le cheikh, il dit, la personne aussi qui donne le conseil, la personne à qui on demande conseil, elle aussi, elle doit se préserver d'Allah. Et quand on lui pose une question ou quand on lui demande conseil, il ne faut pas qu'elle se laisse prendre par les émotions et par les sentiments, puis essayer de donner une réponse à celui qui demande conseil quand la personne elle est prise entre deux positions. Tu lui donnes la réponse vers laquelle tu vois que lui, il penche. C'est-à-dire que tu vois que la personne qui te demande conseil, elle penche vers une opinion. Toi, tu ne dois pas lui donner conseil selon lui, qu'est-ce qu'il veut entendre. Mais tu dois lui donner conseil selon ce que toi, tu considères être le qu'est-ce qui est correct. Il dit, parce que sinon, ça veut dire qu'en réalité, tu as fait une erreur. Et même pire que ça, tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Donc, l'obligation, lorsqu'on te demande conseil, c'est de ne pas donner le conseil selon les sentiments de la personne, hein, mais selon ce que tu considères être correct et être vrai. Même si ça ne fait pas plaisir à la personne. Et si tu es honnête de cette façon, eh bien, à ce moment-là, tu auras été sincère envers elle et tu as rempli ton obligation. C'est-à-dire que tu as rempli ton devoir vis-à-vis de cette personne-là. Et si elle voit que ce que tu dis, c'est correct, tant mieux. Si elle prend ton opinion, tant mieux. Et si elle ne veut pas, alors tu as rempli ton obligation, ton devoir. C'est ça qui est important. Toi, vis-à-vis d'Allah, tu vas être correct. Et ça, c'est important parce que des fois, les gens, ils veulent que tu leur répondes selon les sentiments. Et ça, tu le vois clairement dans l'exemple, la façon comment les gens posent la question parfois. Il y a des gens, ils pourraient te poser une question en une phrase. Quel est le jugement de faire telle chose? Et ils savent que si tu poses la question de cette façon, tu vas avoir la réponse. Ça, c'est haram. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent te broder toute une autre situation tout autour de cette question-là, hein, pour te raconter un roman. Alors, la question qui pouvait prendre une phrase, elle prend deux pages. Et il te raconte l'histoire de sa vie. J'étais comme ça, et j'ai fait ça, et j'ai voyagé, et j'étais avec ça, après j'étais là-bas, après j'ai fait ça, j'étais avec la famille, après finalement, j'ai décidé de faire ça, puis la personne m'a fait ça, puis là il m'est arrivé ça, puis là il est arrivé ça. Puis à la fin tu lis, peut-être tu vas lire les deux pages, et à la fin, tu dis, mais elle est où la question? Parce qu'il a noyé sa question dans son histoire. À la fin, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut. Et à la fin, tu trouves finalement, il dit, est-ce que ça, c'est permis? Hein? Alors, il avait seulement écrit une phrase. Est-ce que ça, c'est permis en islam? Hein? Et il pense qu'en rajoutant tout le contexte, que ça va changer la réponse. Ça ne va pas changer la réponse. La réponse, c'est toujours la même. Hein? Ce qui est halal, c'est halal. Ce qui est haram, c'est haram. Mais le reste, c'est seulement des émotions et des sentiments. Et souvent, c'est ce que les gens ils font, par exemple, les koufars, quand ils veulent essayer de faire en sorte que les gens soient en accord avec une position ou une idée. Si tu vois la situation de façon objective, tu vas voir les choses, tu vas prendre position selon qu'est-ce que tu vois comme étant la réalité. Mais si on te rend des émotions et des sentiments, on te dit, mais finalement, il était comme ça, et il était pauvre, et il n'avait pas d'argent, et il était dans cette situation, et son père l'avait mis à la porte, et telle chose, et telle chose. Après, tu dis, oh, vraiment, c'est triste, cette situation. Ah, oh, le pauvre. Hein? Donc, toi, tu veux plus maintenant lui dire les choses, la réalité. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'aider. Tu veux lui faire sentir que tu as de la compassion pour lui. Donc, tu veux essayer de lui répondre d'une manière qui va lui faire plaisir. Mais ça, c'est pas correct. Hein? Il faut dire les choses telles quelles, peu importe la situation. Par la suite, si la personne, tu peux l'aider, tu l'aides. Mais ça n'a pas rapport avec le jugement. Donc, il faut distinguer entre ces choses-là. Et donc, le cheikh, il dit ici, « Ma'a annaka la tastantiju shay'an khata. Qad tastantij annahu yuridu kaza, wa huwa la yuriduhu, fatakunu khusranan min wajhain, min jihatil fahm al-sayy, wa min jihatil qasd al-sayy. » Donc, il dit, des fois, même, ça peut être de ta... le résultat peut être une erreur de ta part. Dans le sens que, toi, tu as considéré ou tu as pensé que lui, il voulait pencher d'un côté. Alors que ce n'était pas le cas. Alors, tu veux lui répondre d'une manière pour lui faire plaisir. Donc, tu commets une erreur dans ce sens-là. Puis, en plus, tu commets une erreur dans ta compréhension parce que tu as mal compris ce qu'il voulait. Donc, tu as fait une double erreur dans ce cas-là. De un, tu n'as pas jugé selon la vérité. Et de deux, tu n'as pas compris son réelle intention. Donc, tu as fait deux jugements qui sont incorrects ici. Il dit, « Wa fi qawli al-rasuli sallallahu alayhi wa sallam, li'ani la dalilun ala annahu la haraja an yasta'mila l'insan kalimat la, wa laysa fiha shay. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة لا وأصحابه رضي الله عنهم استعملوا كلمة لا فجابر رضي الله عنه لما أعيا جمله ولحقه النبي صلى الله عليه وسلم كيف لحقه وهو هزيل هل الجمل قدام الناس؟ لا ولكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه راعى أمته أن يمشي في الآخر لا يمشي قدامهم بل يمشي وراءهم لأجل أنه إذا احتاج أحد إلى شيء يساعده عليه الصلاة والسلام انظر إلى التواضع وحسن الرعاية ولحق جابرا وكان جمله قد أعيا لا يمشي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني فضربه لا يمشي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال بعينه بوقية قال جابر لا قال لا للرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه الصلاة والسلام لا مانع من كلمة لا فإنها ليست سوء أدب وخلق وكثير من الناس الآن يأنف أن يقول لا يقول سلامتك وهذا طيب أن تدعو له بالسلامة ولكن إذا قلت لا فلا عيب عليك. Donc ici, le cheikh, il mentionne un point sur le fait de dire non. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu à Saad quand il lui a dit par rapport à l'héritage, est-ce que je peux donner deux tiers de mes biens? Il a dit non. Il dit, il n'y a pas de mal dans le fait de dire non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit non et les sahaba ont dit non. Et il a mentionné un exemple aussi de l'histoire de Jabir lorsqu'il était sur son chameau et qu'il a réalisé que un de ses compagnons commençait à ralentir parce que sa monture était fatiguée ou quelque chose comme ça. Puis il l'a rattrapé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rattrapé. Et il explique pourquoi, comment ça se fait qu'on dit qu'il l'a rattrapé, comme si en voulant dire que Jabir était devant lui. Et l'explication de ça, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait en voyage, souvent il restait en arrière. Pour être certain que si jamais quelqu'un en avant avait besoin de lui, il pouvait le rejoindre et l'aider. Donc il restait derrière par modestie et pour aider ceux qui avaient besoin d'aide pendant le voyage. Et il dit que lorsqu'il a rencontré Jabir, il a rattrapé Jabir et lui a demandé, est-ce que tu as besoin de quelque chose ou d'aide? Et Jabir a dit non. Donc c'est la preuve qu'on a le droit de dire non, même au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de répondre par non et que c'est pas un manque de respect ou une mauvaise manière. Donc il dit parce qu'à notre époque, il dit, il y a des gens parfois, ils veulent pas, ils refusent de dire non, comme si c'était impoli ou quelque chose comme ça. Ensuite, le cheikh, il dit, ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز للمريض مرضا مخوفا أو مخوفا أن يعطي أكثر من الثلث إلا إذا أجازه الورثة لأن الورثة تعلق حقهم بالمال إذا مرض الرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير ففيه دليل على أنه ينبغي أن يكون عطاؤه أقل من الثلث كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. Donc ici le cheikh il explique que lorsque parmi les points qu'on peut tirer de ce hadith là c'est qu'il est permis il n'est pas permis à quelqu'un qui est malade et qu'il craint de cette maladie là c'est-à-dire qu'il pourrait mourir de cette maladie. Il n'est pas permis pour lui de donner plus que le tiers de ses biens. À partir de ce moment qu'il est malade et qu'on craint pour sa vie, il n'a plus le droit de donner plus que le tiers de ses biens, excepté si ses héritiers sont d'accord sur le fait qu'il donne plus que le tiers. Pourquoi? Parce que du moment que cette personne-là est dans une maladie et qu'on craint pour sa mort, le droit des héritiers prenne précédence sur son droit à lui, d'accord, par rapport à ses biens. Et donc, ça revient maintenant à la décision aux héritiers de savoir s'il peut donner plus que le tiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas à ce moment-là, tu peux donner le tiers, mais même le tiers, c'est beaucoup. Et c'est donc la preuve que la personne, ce serait mieux pour elle de donner moins que le tiers. Ce serait mieux pour elle de donner moins que le tiers parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le tiers c'est beaucoup. Et c'est ce que Abdullah ibn Abbas a dit justement lorsqu'il incitait les gens à donner plutôt un quart que le tiers. Il disait aux gens, donnez un quart plutôt qu'un tiers. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu peux donner le tiers, mais le tiers c'est beaucoup. Ensuite, le cheikh dit wa minha annahu la yajuz lil insan idha kana maridan maradan yukhsha minhu al maut an yatabarra bi akthar min ath-thuluth min malihi la sadaqatan wala musharakatan fi bina'i masajid wala hibatan wala ghayri dhalik la يزيد على الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا من أن يتصدق بأكثر من الثلث والوصية كالعطية فلا يجوز أن يوصى الإنسان بشيء من ماله بعد موته زائدا على الثلث فالأفضل في الوصية أن تكون بالخمس وعليكم السلام ورحمة الله لأثر l'Athar Abi Bakr al-Mutaqaddim Anifan. Donc ici, le cheikh, il explique. Donc juste pour clarifier par rapport à ce point-là, comme on a expliqué, c'est que dans l'islam, il y a une différence entre al-wasiyya wa al-irth. L'héritage et le testament. Dans l'islam, lorsque tu meurs, tes héritiers, ils vont recevoir une portion de tes biens qui a été prédéterminée par la charia. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui décides combien tu donnes à ton père, combien tu donnes à ton frère, Combien tu donnes à ta sœur? Combien tu donnes à ta mère? Combien tu donnes à tes enfants? Ce n'est pas toi qui décides ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé ça. Les proportions que chacun doit recevoir sont mentionnées dans la charia. Donc ça, ce n'est pas toi qui t'en occupes. C'est déterminé par Allah et par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que s'il y a des gens qui ne font pas partie de tes héritiers, tu as le droit de faire un testament pour eux, pour leur léguer certaines choses. Mais ce que tu vas leur léguer ne doit pas dépasser un tiers de ce que tu possèdes. D'accord? Et donc c'est ça ici que le cheikh il explique, c'est qu'une fois que quelqu'un il est dans une maladie de la mort, c'est-à-dire on craint qu'il meure, il n'a pas le droit de donner de ses biens plus que le tiers à partir de ce moment-là. Même si c'est pour une sadaqa, même si c'est pour construire une mosquée, même si, peu importe qu'est-ce qu'il donne de ses biens, il ne faut pas que ça dépasse le tiers de ce qu'il possède. Et même que, comme on l'a mentionné, c'est mieux que ce soit moins que le tiers. Donc, il faut tenir compte que le don, c'est comme le testament, c'est la même chose. Ça ne peut pas dépasser le tiers. D'accord? Donc, ça, c'est pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. On continuera la suite au prochain cours, bi-idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته